pas ranger mes chaussettes, oublier de fermer la lunette des toilettes. Je suis rentré encore bien bourré, à passer ma nuit à gerber dans l'évier. Je crois bien que j'ai cassé ta voiture et plus d'argent pour payer la facture. Et je vais ramasser ce que j'ai laissé dans